Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode ! Les petites histoires de Tell Me. L'aventure de Noël. Le vol du traîneau. Dans le ciel du Grand Nord, un point lumineux transperce le voile d'une aurore boréale. Baya et Léo sont impressionnés. Un clignement d'yeux plus tôt, ils étaient à Silvebourg. Isilda les rassure. « On ne va pas tarder à arriver. Bienvenue au domaine de Noël, les amis. » La mâchoire de Léo manque de se décrocher. Baya, elle, est tout épatée. Niché au beau milieu d'une étendue immaculée, le chalet du Père Noël apparaît. Il est entouré de trois collines, si grandes qu'elles ont des airs de montagne. Chacune est flanquée de myriades de fenêtres illuminées, créant ainsi la plus chaleureuse des mosaïques. Le spectacle aurait été enivrant s'il n'y avait pas eu ce silence terrifiant. Comme si un voile ténébreux avait été posé sur la région. Fonceur est à bout de force. Il atterrit en catastrophe. Le choc envoie valser les trois passagers. Non sans quelques grognements, il se relève et se précipite, inquiet, vers leur ami. Le jeune renne est si épuisé qu'il pique déjà un somme, affalé par terre. Soulagés, Baya, Léo et Isilda foncent chez Tabod. En voyant les petits corps gémissants des lutins, Léo et Baya ont un pincement au cœur. « Tenez bon, on vient vous sauver » murmure-t-il. Dans le bureau de l'érudit, Léo a le souffle coupé. Avec tous ses livres, il croit vivre un rêve éveillé. Baya lui donne un coup de coude et lui indique le centre de la pièce. Isilda parle avec un rat. Il a pris soin de tout préparer pour leur arrivée. Plusieurs chaudrons bloblotent gentiment. Remplis d'eau de neige et de lichen, ils n'attendent plus que les feuilles d'arbres fantômes. À peine déposés, le contenu bouillonne et fume follement et puis tout se calme. Un liquide rougeoyant et visqueux étincelle dans chaque chaudron. La potion de tout va top est prête à être distribuée. En un rien de temps, tout le monde est guéri. Pour autant, Noël n'est pas sauvé. Aussitôt, le Père Noël et la Mère Noël sur pied, nos trois compères leur racontent tout. Mais si trouver Ronchak, c'est important, plus d'une journée s'est écoulée depuis que tout le monde a arrêté de travailler. Il y a tant de choses à rattraper, une montagne de courriers à traiter, un océan de jouets à fabriquer, un trajet à optimiser, des rennes à préparer, sans oublier un traîneau à vérifier. Et ça, c'est la mission de Pomme, ingénieure en chef, la plus petite, la plus jeune, mais aussi la plus inventive de tous les lutins. Si la révision d'un véhicule n'est souvent qu'une formalité, pour Pomme, c'est l'occasion d'ajouter une nouveauté, comme un voile d'invisibilité, un détecteur d'objets volants, un assistant vocal, ou encore un mini-frigo. Aujourd'hui est un grand jour pour Pomme. Elle peut enfin tester l'invention sur laquelle elle travaille depuis des années. Un système de propulsion révolutionnaire, totalement silencieux et non polluant. Il permet aux rennes de se reposer un peu pendant leur tournée. Un dernier boulon, et voilà les réacteurs fixés au traîneau. Pomme regarde son œuvre un peu émue. Le test va pouvoir commencer. Il ne reste plus qu'à prévenir les rennes. Mais une invitée surprise, une hermine blanche, grimpe sans façon à l'arrière du traîneau. Elle devrait pourtant hiberner à cette époque de l'année. Dressée sur ses pattes arrière, elle considère Pomme un instant. Attendrie, la lutine s'en approche et la caresse. « Comme tu es mignonne, toi ! Quel joli collier tu as là !» Un pendentif verdâtre, attaché par une chaîne noire, comme la nuit. « Allez, il faut t'en aller, ce traîneau-là n'est pas pour toi !»« Ouï !» Au moment où Pomme veut l'attraper, le petit mammifère lui mord la main et bondit sur le siège avant. Une épaisse fumée verdâtre entoure les moteurs qui démarrent. Le traîneau part comme une flèche, laissant Pomme dans le garage impuissante. Sur son passage, le ciel se teinte de reflets verts. Et puis, alors que le soleil allait tranquillement se coucher sous sa couette d'étoiles, il se retrouve bloqué, haut dans le ciel. Le Père Noël et les enfants arrivent paniqués. Dans le monde entier, le temps s'est arrêté au 23 décembre. Noël n'arrivera peut-être jamais. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.